Bon, eh bien, dormir d'une autre façon. Ah bon, c'est pas ça. Normalement, on aurait pu jouer un tour à ceux qui vont venir la semaine prochaine. Devenir un être contrôle. Contrôler la situation. Situation, il y a à contrôler. Alors, je passe mon temps à dire qu'il n'y a pas de libre arbitre, que l'être humain vit dans un monde d'illusions lorsqu'il croit avoir un libre arbitre, que lorsqu'une personne a un accident, je suis convaincu qu'elle ne voulait pas avoir d'accident, donc elle n'a pas de libre arbitre, que lorsque la personne achète un billet de loterie, je suis convaincu qu'elle l'achète pour gagner, ne gagnant pas, elle n'a pas de libre arbitre. Je suis convaincu que ceux qui se maquillent n'ont pas les couleurs qu'ils veulent, donc ils sont obligés d'acheter, de dépenser de l'argent, et ils se plaignent souvent de l'augmentation du coût de la vie, donc ils n'ont pas de libre arbitre. Je suis convaincu aussi que lorsqu'une personne se rend compte qu'elle a mal agi, lorsqu'elle a agi, elle pensait bien agir. C'est par la suite qu'elle découvre que. Alors, elle n'a pas de libre arbitre non plus. Et à travers cela, je fais une conférence sur devenir un être contrôle. Alors, il y a quelques paradoxes. Maintenant, dans toute forme d'évolution, il y a des paradoxes. Parce que dans l'évolution de l'homme, il y a le bien, le mal, le haut, le bas, le loin, le près. Et tout cela fait partie d'une conception dualitaire de l'âme, de la psychologie, vont dire les scientifiques. Alors, pour aborder le sujet ce soir, je vais vous conter une petite histoire. C'est l'histoire d'un bonhomme qui porte un nom fictif, Pierre. Pierre est un homme, comme les hommes, et il a un emploi, il a une femme, il n'a pas d'enfant, il a un chien, il a une automobile, il n'a pas de maison. Et Pierre vit ce que l'humain appelle heureux, c'est-à-dire qu'il a de la sécurité. Parce que bien souvent, l'homme pense que la sécurité, c'est le bonheur. Pierre n'a pas compris que le bonheur, c'est comme une roue d'automobile. L'automobile, elle marche sur une route, la route, c'est la vie. Le bonheur, ce n'est pas un but à la vie. On ne vit pas pour être heureux. Parce que quand on est réussi à être heureux, on meurt après. C'est pas génial de vivre pour être heureux. On ne vit pas pour être en paix. Et Pierre n'a pas compris ça non plus. Il y a une roue après l'automobile qui va être le corps physique. Ça aide à avancer. Il y a une autre roue qui peut être la paix. La paix dans l'extérieur. Moins de problèmes à avancer. Il y a une des roues qui pourra être le bonheur. Ça l'aide aussi à avancer sur le chemin de la vie. Et il y aura une autre roue qui peut être la simplicité. Ça l'aide à faire marcher le véhicule. Mais l'homme marche avec une roue, le corps physique, et puis ça marche. Et les trois autres morceaux d'essieux traînent à terre. Alors, ça crée une vie intéressante. Ça crée des labourages de chemin. Puis, ça crée ce que nous connaissons. Pierre, lui, pense que le bonheur, il l'a. Ayant le bonheur, il a une roue. N'ayant pas la paix extérieure parce qu'on le jalouse d'avoir le bonheur, alors il y a une roue en avant, une roue en arrière, puis s'en va clopin, clopin. Il n'y a pas de simplicité non plus. Le bonheur est donc, de temps en temps, il se dégonfle. Et là, il prend sa femme, la roue de secours, et puis il essaie de remplacer. Bon. Mais à un moment donné, Pierre, vivant sa vie, change. Il expérimente son travail, et lentement, il le trouve monotone. Il devient irritable, Pierre. Il devient sérieux aussi, il vieillit. Il est un adulte. Et un adulte, quand ça joue sérieusement. Ça ne peut pas tricher. Ça joue au hockey, il faut que ça compte des buts. Pas d'un sien, dans l'autre, parce que sinon c'est plus comique. Alors Pierre devient un adulte convenable, mais lentement, il n'aime plus son emploi. Lentement, il ne sait plus s'il aime sa femme. Il n'a pas hâte d'arriver à la maison, il n'a pas hâte d'arriver au travail, il n'a pas hâte d'être entre les deux, il ne sait plus trop. Et les films commencent à être plates de plus en plus. Il loue des cassettes, il loue des cassettes, il loue des cassettes. Il va au cinéma, puis finalement, bah, plus on t'en donne, plus t'en veux, puis ça devient monotone. Alors Pierre vient à quelques conférenciers, des idiots comme des brillants. Et puis à travers ça, Et Pierre entre dans une phase intéressante où il ne sait plus s'il aime ou s'il haït. Alors il ne sait plus s'il aime soit sa job ou s'il ne l'aime pas. Il ne sait plus s'il aime sa femme ou s'il ne l'aime pas. Il ne sait plus. Et sa vie commence à être d'une monotonie qui nécessairement transpire sur sa femme, sur son chien. Le chien, il n'amène plus les pantoufles. Le chien, il ne se lève même plus quand Pierre rentre. Ça vaut pas la peine. Et Pierre, à travers cela, change. Il a 45 ans. Sa vie est apparemment pour lui aux trois quarts faite. Chacun est positif comme il veut. Et Pierre, il travaille parce qu'il faut qu'il travaille. Puis il a hâte à sa retraite, sachant que quand il prend sa retraite, bien, tous ceux qui sont retraités ont l'impression d'être retraités de la vie. Mais Pierre voit que, indubitablement, le cheminement l'amène là. Alors, Pierre ne vit plus rien. Pierre n'exprime plus d'émotion. Pierre ne sait plus s'il aime ou s'il haït. Pierre se couche le soir, il s'endort sans penser. Il se lève le matin sans penser. Il travaille sans penser. Il fait même l'amour sans penser. Et puis, sans penser, il vit. Et ce genre de vie, qui est courant et fréquent dans beaucoup de Pierre sur cette planète, est une vie qui, du point de vue du monde de la mort, n'apporte plus d'expérience. Ça devient une vie inutile. Ça devient un corps physique qui ne peut plus être animé pour muter et va entrer en jeu un être contrôle qui va s'occuper de Pierre. Alors, Pierre ne voit rien à sa vie. Pierre trouve tout plate, mais pas assez plate pour trouver sa place. Pierre est entre les deux. Exactement comme on dit souvent qu'au niveau de l'évolution, lorsqu'on n'aime plus et qu'on n'haït plus, on est évolué. Oui, mais il y a toujours une nuance entre le fou et le sage. Il y a celui qui ne peut plus discerner le sucre du sel parce qu'il n'a plus de goût. Et Pierre ne peut plus discerner s'il aime ou s'il haït parce qu'il n'a plus de goût. Pas parce qu'il est au-delà de ça, parce qu'il est en-delà, en deçà de ça. Alors, lentement, un être contrôle vient dans la vie de Pierre. Pierre fait un cauchemar où il voit comme si quelqu'un voulait prendre son corps. Alors, Pierre se met à se débattre un peu. Pierre ne veut pas. Et lorsque Pierre se réveille, il fait ce cauchemar 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Quelque chose dans le genre comme ça. Ou encore, Pierre ne voit pas que quelqu'un veut prendre son corps, mais Pierre se voit subitement faire un autre job. Changer de femme. Et lorsque Pierre se réveille, lentement, des idées vont germer chez lui. Et là, il va regarder son emploi et il va dire, « Je suis niaiseux de rester ici, il faudrait que je change. » Ce que Pierre ne sait pas, c'est que lentement, c'est Pierre qui change. C'est-à-dire qu'un être contrôle qui travaille au niveau du monde de la mort est en train, lentement, de permettre la réincarnation d'une mémoire, donc d'une entité qui est morte, à l'intérieur du corps de Pierre, et cette entité, elle va lentement s'assimiler à Pierre de façon à redonner, à survolter Pierre au niveau de l'âme, donc à lui redonner un regain au niveau de la vie, de façon à ce que Pierre recommence à vivre. Une expérience qui pourrait être transmise par l'émotion et nourrir le monde de la mort. Alors, lentement, Pierre trouve que « Ah, je devrais, moi, changer de job. » C'est pas lui qui dit ça, mais lentement, ça se réincarne très, très, très, très, très lentement, et Pierre finit par avoir de nouvelles idées. Maintenant, il change sa tenue, Pierre. Il change, Pierre. Et là, Pierre, il a l'air d'un autre gars. Puis là, on ne le reconnaît plus. C'est normal, plus Pierre. Sauf que Pierre ne le sait pas. Pierre, il est maintenant, lentement, il s'habitue à l'autre. Et s'habituant très lentement à l'autre, ça peut prendre un an et demi à Pierre avant de passer de ce qu'il était à une autre forme de Pierre, dans le même corps physique. Sa femme ne le reconnaîtra pas non plus. Peut-être que Pierre, le nouveau qui vient maintenant se placer dedans par l'intermédiaire d'un net contrôle, va permettre à la personne de s'adapter à sa femme. Peut-être aussi qu'ils vont carrément se divorcer. Ça ne marchera plus. Alors, sa femme, elle a reconnu Pierre. Elle aura vu Pierre décrépir. Et lentement, elle aura vu Pierre sursauter, retrouver quelque chose, puis peut être le même, puis ça crée son camp. C'est une vie qui est courante. Maintenant, je vais vous conter l'histoire de Jacques. Jacques, c'est un bonhomme qui, depuis qu'il est jeune, est suicidaire. Il a été violé par son père, il a été battu par sa mère, mordu par son chat. Et depuis qu'il est jeune, il pense à se suicider. Dans le début, il ne sait pas pourquoi. Pour se venger? Pour fuir la souffrance? Pour connaître autre chose? Il ne sait pas. Mais comme il est bien élevé, il a peur du neuf. Alors, il ne se suicide pas. Il préfère connaître la souffrance ou souffrir ce qu'il connaît que de risquer un bonheur inconnu. Et alors, lentement, Jacques grandit, et il devient un adulte. Un adulte qui était étudiant. Et étudiant, il a fait deux tentatives de suicide. Mais c'était réellement, en réalité, c'est simplement des demandes d'aide. Mais il ne sait même pas quelle aide il demande. Et vers l'âge de 30 ans, Jacques veut se suicider. Et là, il commence à mijoter le suicide. Il a un corps physique en parfaite santé. Il a un corps parfait. Il a un bon foie, un bon cœur, un bon poumon. Et Jacques ne veut nécessairement pas faire de don d'organes. Il ne croit pas à ça. Il pense au suicide. Donc, nécessairement, il veut essayer de suicider une partie de l'humanité avec lui. Alors, il ne donnera pas des parties de lui. Et là, à vers 30 ans, Jacques commence à préparer son coup. Alors, il choisit la station de métro qu'il préfère. Il choisit soit une heure d'affluence parce qu'il veut que ça soit remarqué, soit une heure où il n'y a presque personne parce qu'il veut faire ça dans l'anonymat le plus possible. Et puis là, Jacques, il médite bien son coup. Il prépare la lettre parce qu'il est programmé, comme tous les suicidés, n'est-ce pas, à écrire une lettre. Ou à enregistrer une cassette, bon. Et puis, il écrit tout ça, il prépare tout ça. Et puis, lentement, il se passe quelque chose chez lui. Il se passe chez lui qu'il y a une idée bizarre qui apparaît. Une idée qui va lui dire, « Hey, genre, veux-tu, tu vas te suicider? Tu vas aller dans le monde de la mort, mais sans souffrir physiquement. » Ah ben là, genre, il dit, « Ah ben oui, je comprends donc, ça, mais le métro, c'est rapide. » Oui, mais le métro, tu te fais traîner. Et puis, une personne sur 100 ne meurt pas sur le coup. C'est-à-dire que ça s'en réchappe plus ou moins, mais avec un bras en moins, une jambe en moins, puis des morceaux, bon. Alors là, Jacques, il dit, ouais, c'est vrai, ça. Faut bien y penser. Fait que Jacques, il se dit, je vais me cacher sur le bord du mur jusqu'à ce que le métro arrive. Fait que mon poids m'a poussé dedans juste avant. Bon. Oui, mais des fois, il se garoche dedans vite, la vite à casse. Des fois, il est. Bon. Alors, Jacques, il se dit, ouais, si je manque mon coup. Parce que Jacques a déjà lu dans un article de journal un bonhomme qui a mis le feu à sa maison pour se suicider. Les pompiers l'ont éteint avant, puis le gars est en prison pour incendie criminel. Alors, pour quelqu'un qui veut se suicider, c'est très souffrant. Alors, Jacques commence à envisager l'idée d'un suicide où le corps physique ne souffre pas. Et ça peut marcher. Et Jacques finit par être convaincu que ce soir, il va mourir. Alors, il écoute son dernier vidéo, et puis il s'en va se coucher dans son lit, convaincu que. Il a écrit sa lettre, il a tout préparé. Et pendant la nuit, Jacques meurt. Sauf que le lendemain matin, le corps de Jacques se lève. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas juste l'histoire de Jacques, il faudrait que je vous conte aussi l'histoire de Philippe. Philippe est un handicapé physique qui reste quelque part dans le même pays, peut-être. Et cet handicapé physique a de l'intelligence et il a muté son cerveau, c'est-à-dire que par l'instruction, par le travail, par la réflexion, par le support de l'ignorance, par l'essai de comprendre, lentement, ce bonhomme-là, Philippe, devient brillant. Mais il voit maintenant l'absurdité, mais totale, d'être pogné dans un corps limité. Mais totale. Alors Philippe, lui aussi, pense au suicide. Pourquoi? Parce que là, il est écœuré, il a lu de ça la réincarnation, il est convaincu que s'il meurt, il va se réincarner, puis il a au moins des chances d'avoir un corps qui a de l'allure. Parce que là, maintenant, son cerveau est limité par le corps. La conscience qui veut s'installer est limitée par le corps. Alors, lentement, Philippe, lui aussi, pense à se suicider. Mais là, on vient encore, il est dans la tête de Philippe, il y a quelque chose qui vient lui dire, « Rêve, mon ami, rêve que tu as un corps en santé. Au moins, dans ton sommeil, tu auras le privilège d'avoir un corps en santé. » Alors, Philippe commence à essayer de rêver à ça, et puis il essaie de se dessiner, puis de se personnifier dans un rêve. Et puis, lentement, ça marche. Jusqu'au jour où Philippe se réveille, et puis là, il n'est pas chez lui. Il a un corps. Et puis Philippe continue à rêver. Jacques est dans le monde de la mort, tel que Jacques le voulait, escorté par un être contrôle, tandis que Philippe, lui, pendant son sommeil, dans le monde astral, donc dans le monde de la mort, a été escorté par deux êtres contrôle qui lui ont permis de se transférer dans l'autre corps. Il y a un bonhomme qui est très connu, très, très, très connu, et il est le chef spirituel de la religion bouddhisme sur le plan planétaire. Son nom le plus populaire est Dalai Lama. Alors, M. Dalai Lama, il est vieux et il meurt. Et avant de mourir, il dit, je vais renaître dans tel canton, dans telle année. Et rendu dans l'année, des personnes, des lamas, de grands lamas, partent en direction de ce canton à la recherche du Dalai Lama réincarné. Alors, ils vont rechercher un enfant qui va avoir la faculté de reconnaître des choses ayant appartenu au Dalai Lama. Alors, on arrive dans ce canton, et puis un moine porte un collier dans le village du canton. Si un enfant est Dalai Lama, il va dire « Hey, c'est mon collier ». Et on va avoir une idée. Un autre porte un chapeau. Un autre a un coffre qu'il promène avec lui sur un yak. Yak, là-bas, c'est pas comme ici, hein? C'est comestible, et puis bon. Alors, il se promène avec son yak. Et puis, subitement, il y a un enfant idiot. Un enfant qui n'est pas trop puissant, une petite génétique idiote, qui a des facultés, mais à l'intérieur de ça, l'être contrôle qui a permis la réincarnation, qui a permis la gestion de normes infantiles dans cet enfant, a laissé pénétrer à peine de phénomènes réincarnationnels. Et lentement, eh bien, le Dalai Lama, c'est-à-dire la mémoire du Dalai Lama, protégé par un être contrôle parce qu'il ne va pas dans le monde de la mort, mais reste dans le plan ciel, c'est-à-dire dans un endroit où il y a la vie sans le corps physique, quand une personne a un accident et qu'elle va là, si le corps est encore fonctionnel, on peut ranimer la personne et elle va revenir là-dedans. Si elle gagne le monde de la mort, elle est finie. On ne peut pas réanimer le corps. Alors, lentement, et l'enfant va subitement être manipulé par un être contrôle, et puis on va commencer à laisser pénétrer des mémoires réincarnationnelles du Dalai Lama, et l'enfant va reconnaître une chose. Et là, on va l'amener, et puis on va lui montrer 25 foulards. Il n'y en a qu'un qui appartient au Dalai Lama, puis on va lui dire « Choisis ». On peut lui faire passer 75 tests. Il en manque un, il est refusé. Et habituellement, il a réussi tout. Et voilà, il est maintenant Dalai Lama à l'âge de 6 ans. Et c'est comme ça que le Dalai Lama a été réincarné depuis quelques mille ans au Tibet, à Lhasa. Les aides contrôles, ce sont des phénomènes. Ce ne sont pas des personnalités. On ne doit pas les concevoir comme étant des bibittes à grandes ailes avec une robe blanche qui viennent flotter autour de vous autres et qui viennent vous parler. Les êtres contrôles, ce sont des personnalités du monde de la mort qui ont comme fonction, régies par de l'intelligence, qui ont comme fonction de servir de tuteur à des personnes, à des âmes, donc à des personnalités psychologiques qui animent les corps physiques de l'homme, tant du point de vue du monde de la mort, donc du ciel, donc de ceux qui sont décédés, ceux qui n'ont plus de corps physique, que de ceux qui vivent présentement. Chaque être humain se voit attaché à un être contrôle. C'est-à-dire qu'un être contrôle peut travailler avec plusieurs humains, comme un être contrôle peut être attaché à un seul humain. J'ai dit que l'être humain se réincarnait, c'est-à-dire que dans les corps de l'homme, il y avait 24 heures sur 24 de la réincarnation. Cela se fait comme une marée. C'est-à-dire que pendant certaines heures, il y a des mémoires qui vont vous investir, donc des bribes de personnalités décédées qui se réincarnent chez vous. Et pendant une autre période de la journée, eh bien, c'est vous qui allez nourrir le monde de la mort en rejetant des choses de votre... Normalement, quand on exprime de l'émotion, c'est ce qui arrive. Lorsqu'on exprime de l'émotion, on rejette de l'énergie et le monde de la mort s'en nourrit. Et lorsqu'on est à l'émotif, donc, lorsqu'on est relaxé, lorsque l'on dort bien souvent, lorsque l'on est assis sans émotion, eh bien, il y a des fortes possibilités qu'un être contrôle ouvre une petite valve, hein, et puis ça se réincarne. Alors, la personne, elle se lève un matin, elle est barbouillée d'enthousiasme, elle est pleine de pep, et puis là, tout va bien. Et puis, quelques heures après, eh bien, tout change, elle ne sait plus ce qu'elle a, puis oh, ça ne va plus. Simplement qu'elle vient de ramasser une mémoire réincarnationnelle qui provient du monde de la mort, et nécessairement, elle devra la digérer. Alors, au fur et à mesure que l'individu supporte cette réincarnation quotidienne de son vivant, eh bien, il change. Et il développe soudainement, « Tiens, je ne pensais pas que j'étais bon comme ça en peinture, c'est un talent que je m'ignorais. » Mais non, ça s'est lentement réincarné chez toi, puis maintenant tu peux peinturer parce que tu as des mémoires de peintre. Un autre était bon enfant en dessin, et puis maintenant il ne l'est plus, parce qu'il y a eu des colorations à travers ces réincarnations 24 heures sur 24. Ces réincarnations sont régies par un être contrôle. C'est-à-dire un phénomène, le nom, ne cherchez-le pas dans le dictionnaire, c'est un mot que j'ai inventé pour arriver à transporter par la parole un concept énergétique du monde de la mort, qui sert et qui est un être contrôle qui va régir selon le corps physique de l'individu, selon sa psychologie, donc selon l'état de son ego, de son âme, selon l'état de son mental, selon l'état de son ajusteur de pensée, c'est-à-dire la fonction qu'il a de poser des questions neuves. Eh bien, il y aura des personnalités réincarnationnelles qui vont pouvoir venir dedans et qui devront être digérées par ceux qui habitent les corps, qui sont déjà là. On pourrait dire par vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que continuellement, ce que nous pensons être est confronté à ce que nous devenons. Étant donné que l'être humain passe bien souvent une partie de sa vie à essayer de savoir qui il est, et chaque fois qu'il sait qui il est, ça recommençait. Et il ne comprend pas. Alors on va dire, oui, mais il y a l'expérience de la vie qui nous transforme. Oui. Mais tu peux vivre 5 fois la même expérience, pas changer. La 6e fois, tu changes. Et il y en a d'autres qui ne vivront pas ça, mais qui vont quand même changer. Il y a tous les talents qu'on s'ignorait. Il y a une panoplie de choses qui font en sorte que l'humain devrait prendre conscience que ce qui le régit, lui, n'est pas lui. Alors, il n'aime pas faire tel sport. Et puis, subitement, un hiver, il aime la neige. Et puis là, il se dit qu'il faut m'essayer ça, le ski. Il a toujours parlé contre. Il peut être végétalien, mais il a toujours été contre. Végétarien, si vous voulez. Mais cela, végétarien. Végétalien, on ne peut pas jouer avec le mot. Alors, notre être humain change subitement. Il aimait les enfants, il les déteste, il ne les aimait pas, et maintenant, il en veut, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que quotidiennement, chez l'homme, il y a des choses qui se réincarnent. Et cela se fait 24 heures sur 24, toute la vie, et c'est régi par un être contrôle. Maintenant, si c'est régi par un être contrôle, ça veut dire que, bon, un bon moment donné, moi qui n'aimais pas les tartines au beurre d'épinote, je me lève et puis j'ai le goût du beurre d'épinote. La femme enceinte, elle devient un peu fofolle. Pourquoi? Parce qu'elle doit permettre la réincarnation dans son fœtus de personnalité mémorielle du monde de la mort. Et nécessairement, ça passe par elle. Et passant par elle, bien l'interprétation qu'il va y avoir entre ce qu'elle est elle et ce qui passe, mais qui ne va pas chez elle, donne des symptômes très intéressants. Le concombre avec la crème glacée, c'est un phénomène qui est bien, mais si on a le goût du concombre et qu'en même temps de mémoire a le goût de la crème glacée, ça va donner le concombre à la crème glacée. Aujourd'hui, le rush de corps s'est forcé, maintenant ils font la crème glacée au concombre. Ça l'aide. Mais on ne se reconnaît pas. Et ne se reconnaissant pas, nécessairement, on passe une grande partie de notre vie à essayer de se comprendre. Et évidemment, on veut comprendre les autres. Tu as changé. Eh bien, oui. Mais tu n'as pas changé pour le mieux. C'est chacun son point de vue. Mais une chose certaine, c'est qu'on ne décide pas la majorité de nos changements. J'ai expliqué qu'il y avait deux formes d'évolution. Il y avait l'évolution de l'animal humain, il y avait l'évolution de l'être humain. L'évolution où, dans notre conscience, on peut légiférer, intelligencer des événements, et une évolution où on est manipulé par l'émotion, où on ne comprend rien, où on espère que, et où on vit sans trop se poser de questions, parce que plus on se pose de questions, plus on est malheureux, parce qu'on n'a pas le degré d'énergie suffisante pour supporter l'ignorance amenée par nos questions. Mais lorsque l'être humain comprend la mécanicité, j'explique souvent bien des mécanicités. Comprendre une mécanique, c'est pouvoir jouer avec la mécanique. Et lorsque l'être humain vient voir dans des conférences, bien souvent, il recherche des solutions. Mais des solutions dans le genre, mets la clé dans l'ignition, puis tourne, ça va marcher. Oui, mais si tu manques d'essence, bien là, la solution que l'humain aimerait, c'est va au garage, mettre de l'essence. Mais là, si tu n'as pas appris à mettre la clé, il y a toujours un quelque chose qui ne marche pas. Mais si on apprend comment fonctionne l'automobile, eh bien là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va être capable de faire le tour de la mécanique puis l'arranger. Alors, ça paraît compliqué. Ce n'est pas compliqué. Tout ce que je dis n'est pas retenu. Bien, on l'enregistre sur cassette. C'est une ruse comme un autre, au moins. La matière, elle n'a pas d'émotion. Elle retient sans se poser de questions. L'homme peut devenir un être contrôle. C'est-à-dire que vous pouvez décider et vous pouvez contrôler ce qui chez vous va se réincarner. Et là, évidemment, il y a une utilité intéressante. C'est qu'on peut changer dans le sens où notre intelligence nous voit changer. On peut éliminer des souffrances idiotes dans le sens où notre intelligence voit l'absurdité de ces souffrances. Comment ça se fait? Bien, nécessairement, ça se fait avec le temps. Parce que autant l'humain change inconsciemment avec le temps, d'un côté comme de l'autre, mais souvent, dans son point de vue, c'est négativement, eh bien, autant cela prend aussi du temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on doit se déplacer dans l'espace, ce qui crée le temps, pour arriver à changer positivement. Un individu, dans le passé, a dit « Faites le bien et vous recevrez du bien ». Faites le mal et vous recevrez du mal. C'est le phénomène karmique. Tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. Mais c'est une explication très simpliste du phénomène. Et bien souvent, l'humain recherche l'explication simpliste d'un phénomène. Fais le bien et tu auras du bien. Ah oui, mais j'en connais plein, moi, qui font du bien toute leur vie, puis tous ceux qui font du mal, bien, ils viennent en profitant maudit. Alors, ils n'ont pas du bien tout le temps. Oui, mais j'ai tout donné à mes enfants! C'est ça. Il ne te reste plus rien non plus. Voilà. Attends-toi pas à ce qu'il te redonne tout. Si je te donne 5 piastres, il me donne 5 piastres, je te donne 5 piastres, il me donne 5 piastres, à un moment donné, le plus brillant des deux va le garder. Alors, faire le bien dans le but de recevoir du bien, ça veut dire quoi? Et c'est bien évident que si tout le monde donnerait 5 piastres à tout le monde aurait 5 piastres. Sauf que celui qui n'a rien, bien voilà, on recommence. Lui, il n'a rien, fait qu'il va aller s'écraser dans son coin, il va se culpabiliser, il va souffrir, il ne peut pas donner 5 piastres. Faire le bien dans le but de recevoir du bien, c'est intéressant, mais le problème qu'il y a, c'est que si toute notre évolution est entre nos mains, cela va marcher. Si je gagne à la loterie, je donne la moitié de ce que je gagne à l'hôpital Sainte-Justine. Ça peut fonctionner. Mais il y a le partage intelligent. Puis encore, l'humain ne connaît pas encore cette idée. Lorsque l'humain a le contrôle de son évolution entre ses mains, ce n'est pas un contrôle émotif. C'est un contrôle mental, un contrôle par l'intelligence. Mais tant que l'humain ne l'a pas, nécessairement, il a des problèmes. Alors, comprendre le karma comme étant simplement, ben donne une fleur, ça va une fleur. Si tu poques un char, tu te sauves. À un moment donné, tu as trouvé ton char poqué. C'est intéressant. Ça crée des problèmes à un moment donné. Parce que lorsque cette idée karmique a été enseignée à l'humain, ben l'humain, ça l'a aidé. Mais à un moment donné, il y a des fins finaux qui se sont dit, mon char est poqué et je n'ai pas poqué de char. Pourquoi? Et là, on va lui dire, ah, c'est dans une vie antérieure. T'as poqué le cheval des gars. Puis maintenant, tu payes pour. Le gars va dire, c'est bien correct. Mais là, si je passe mon temps à payer pour des choses que j'ai même pas conscience d'avoir faites, parce qu'apparemment, c'est dans une vie antérieure que je les ai faites, le karma signifie quoi pour moi aujourd'hui? Si je tue quelqu'un, je ne mourrai pas tué. C'est dans ma prochaine vie. Il y a plein de problématiques. Alors, lorsque moi, j'explique un peu plus complexe, d'une façon compliquée le karma, eh bien, les gens vont dire, ah oui, mais c'est bien trop compliqué son affaire à lui, ça n'a pas d'allure. Ouais, vous voulez être en santé? Ben mangez bien. C'est simple, hein? Mais là, maintenant, si vous voulez savoir c'est quoi manger bien, ah là, ça va être compliqué. Mais si on veut arriver à bien manger, il va falloir qu'on apprenne à aller chercher petit à petit l'information, même si elle paraît compliquée. Puis finalement, lorsqu'on joue avec, c'est plus compliqué. Devenir un être contrôle, ça veut dire s'arranger pour obliger l'être contrôle qui est attitré à notre évolution du point de vue de l'âme, pas du point de vue de l'esprit. Nous sommes nos seuls maîtres du point de vue de l'intelligence. Le problème, c'est que nous sommes, du point de vue de l'intelligence, à 5% en moyenne implantés dans le contrôle, dans la gestion de notre corps. Le 95% qui reste dépend de notre âme. Et notre âme, c'est un facteur mémoriel qui accumule de l'expérience, qui se plaint, qui chiale, qui braille, qui s'exprime par le système endocrinien et qui mute le corps de façon à ce que le 5% d'intelligence puisse devenir 10, 15, 20. Mais plus il y a de l'intelligence dans l'homme, moins il doit y avoir d'âme, c'est-à-dire moins il doit y avoir de mémoire. Parce que la sagesse accumulée par la mémoire n'a rien à foutre avec de l'intelligence. L'intelligence d'un enfant de 5 ans est au-delà de la sagesse d'un personnage de 195 ans. Parce que le personnage de 195 ans est sage dans ce qu'il connaît. Il n'est pas sage dans ce qu'il ne connaît pas. Et il a peur du neuf parce qu'il se revoit confronté à ne pas savoir. Alors, l'être contrôle, l'évolution de l'homme au complet se fait graduellement, lentement. Et l'être contrôle attitré à chaque individu est là pour obliger l'individu, du point de vue de l'âme, à vivre des émotions, à vivre de l'expérience. T'achètes un billet de loterie, tu gagnes. Tu t'en vas à l'Auto-Québec, tout content, on prend le billet, on regarde la date, puis on dit, oui, c'est les bons numéros, mais c'est pas la bonne date, c'est la semaine dernière. Alors là, la personne, elle perd connaissance, ou bien elle t'approche les autres. Alors, pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il fallait simplement que l'âme se travaille. Parce que lorsque l'âme travaille, elle oblige, par le biais d'un interpréteur actionnel, par le biais d'un phénomène, elle contrôle le système hypothalamien, elle sécrète des hormones dans le corps physique, elle oblige cela, et les hormones vont stimuler plusieurs réactions chez vous, que vous appelez émotions. Et cela, lentement, transforme le corps. À la longue, à force de voir des cadavres, ça ne te dérange plus. Ben, c'est ça qui se passe. À la longue, à force de voir des cadavres, tu les vois comme ils sont. Simple. À la longue, à force de voir une chose qui te rend heureux, bien, à la longue, par répétition, elle ne te rend plus heureux. Pourquoi? Parce que maintenant, ta voix comme elle est. Et l'émotion qui est exprimée dans le corps, que l'homme appelle bonne ou mauvaise, mais en réalité, c'est de l'émotion, c'est toujours du point de vue du corps mauvais, ça permet une mutation génétique qui, par la suite, est transmissible aux enfants. Nécessairement, il faut faire les enfants après. Bon, vous avez compris? Bon. Pas avant. Parce qu'avant, c'est par l'éducation qu'on transmet, et ça complique les choses. Lorsque nous avons cellularisé l'évolution, lorsque ce système hormonal-là a transformé lentement le corps, ça prend des millions d'années, lorsque l'être humain se laisse régir par l'évolution amique, l'évolution spirituelle, c'est-à-dire l'évolution des masses, lorsque l'être humain vit de cette évolution, ça prend du temps et il va être régi par un être contrôle. C'est-à-dire que là où le corps doit changer, on donne ce qui doit rentrer. Et du point de vue de l'âme, ça va dire, « Ben oui, mais toi, une fois que je veux me rendre pacifique, je deviens colérique. » Parce que la paix, vous savez, la paix, du point de vue spirituel, ça ne change rien à rien. Ce qu'on veut, c'est former un corps physique qui va supporter de l'intelligence. Alors, la personne, elle va dire, j'ai gagné, j'ai travaillé toute ma vie, puis là, je suis ruiné. Ben oui, c'est sûr. Comment tu vis pendant ce temps-là? Oh, je pensais qu'au suicide, c'est ça. Tu sécrètes des hormones, ça manipule le corps physique, ça crée de l'expérience pour le monde de la mort, et ça change le corps. Et à un moment donné, l'individu qui a tout perdu finit par, paf, comprendre. Eh bien, voilà. Parce que maintenant, son corps a été suffisamment changé que l'intelligence, ça cote un peu plus dedans, puis le gars voit un peu mieux, ou la fille voit un peu mieux. Mais le problème, c'est que nous pouvons nous laisser évoluer dans une évolution typique des races, des troupeaux, comme d'ailleurs l'Église catholique aime bien parler, l'évolution de l'animal humain, où nous sommes régis par l'évolution de nos émotions, où nous ne savons jamais qu'est-ce qui va arriver, où nous pouvons du jour au lendemain être malheureux, être heureux, être en plénitude, être en manque, être en colère, être en joie, ou etc. Toujours souvent en train de chialer, en train de pleurer, en train de brailler, en train de rire, en train d'espérer, en train d'être déçu, en train de... En tout cas, vous connaissez pas mal la vie de l'homme du point de vue de l'émotion. Et l'être contrôle descend, fait que chez l'être humain se réincarnent des mémoires exclusivement pour que la personne, elle va bien. Ça, c'est l'histoire de Jean-Paul. Oh, je prends l'histoire de Marie. Alors, Marie, elle est en affaires, tout marche. Elle a tout ce qu'elle veut. Et tout va bien. Mais à un moment donné, elle s'est mise à boire. Eh oui. Un être contrôle a décidé que l'expérience biologique de Marie devra changer. Et Marie va donc être investie de mémoire d'alcoolique. Lentement, à son insu. Et lentement, Marie va commencer à vouloir boire, et les alcooliques vont tellement vibrer de cette boisson, l'expérience sensorielle du corps, que ça va ouvrir le canal, et Marie va nécessairement devenir alcoolique. Et maintenant, tout allait si bien. Il a fallu que Marie soit assujettie à l'évolution de l'âme, et non pas à l'évolution de l'esprit. C'est-à-dire à la pénétration de l'esprit à l'intérieur du corps physique de l'homme, de façon à allier la lumière à la matière. Alors Marie devenait alcoolique. Et personne n'a compris pourquoi. Ça paraît à sa même peau. Ben c'est ça. Alors, il y a plusieurs, je donne des exemples comme ça, mais toute notre vie, elle est confrontée à des petites choses idiotes. Alors, voici un autre exemple. La personne, elle va s'acheter une robe, hein, puis alors c'est cute, elle assise devant le miroir, elle tourne devant tout le monde, puis rentre chez elle, elle n'aime plus. Bon. Là, l'armée, elle a dit, ben, c'est ça. Ça. C'est très, très, très, très simple. Très bonne évolution. Très intéressant, ça fait vendre. Devenir un être contrôle. Premièrement, c'est de comprendre que, et pour le devenir convenablement, l'être humain, je le répète souvent, est manipulé. Il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas de discernement entre le bien et le mal. Il discerne après avoir accompli un acte, jamais avant. L'être humain n'est pas son seul maître. L'être humain pense qu'il pense, mais ce n'est pas lui qui pense. Quand il se couche le soir, il n'arrive pas à dormir, ça pense dans sa tête. Ce n'est pas lui qui pense. Et les personnes, ben, à un moment donné, se disent, ben, c'est ça, on est une poupée, et puis c'est avec ça. On fait quoi? Si on reste assis, on est manipulé. Si on se lève, on est manipulé. Si on est éternue, on est manipulé. Si on décide qu'on est manipulé, bref, tout ce qu'on fait, on est manipulé. Puis même là, je parle, je suis manipulé. Puis moi, je réponds, oui. Sauf qu'il y a de l'intelligence dans l'homme. Et cette intelligence-là n'est presque pas exprimée. Et c'est là-dessus que moi, je veux faire le travail. Pas sur l'illusion de... Ben, entoure-toi d'une auréole de protection. Ouais, mais le camion qui va me frapper, il va falloir que mon auréole soit puissant dans maudit. Puis même là, m'envoler avec mon auréole. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça marche pas. L'évolution collective. Ouais, mais tu sais, tu parles de ça, mais penses-tu que le monde, ils vont tous changer du jour au lendemain? Ça ne regarde pas les autres. L'évolution de chaque personne ici ne regarde personne sur la planète, parce qu'on doit toujours attendre que toute l'humanité ait évolué pour que nous commencions à évoluer. Je morve! Tu te mouches-tu, non? Ah ben, maudit! Attaque! Les autres se mouchent! Pour me moucher! Puis, mais en plus, on veut tous se moucher en même temps sur le même Kleenex. C'est comme ça que l'évolution se perd. Fait que l'on chicane pour se moucher. Il y en a toujours un qui se mouche trop, puis bon. Il y a une évolution par l'intelligence. Cette évolution-là, elle est dans le début un petit peu souffrante du point de vue de l'ego. Elle est apparemment incertaine. Elle est sûre. L'enfant se pose pas de questions, il ouvre l'armoire. Il voit la boîte d'ABC, il se pose pas de questions, il goûte. L'adulte, lui, il a appris que la curiosité se vit d'un défaut. L'adulte, il a expérimenté bien des choses, puis là maintenant, il est sage, calme, puis il goûte plus à la vie, il goûte au passé. Il y a une lueur dans ses yeux qui s'éteint. Et pour supporter cela du point de vue de l'évolution de l'animal humain, du point de vue de l'évolution de la psychologie de l'âme, eh bien, on en a fait des qualités morales. C'est très démoralisant pour l'enfant. De devoir lui dire à un moment donné, qu'est-ce que tu manges avec tes mains là, qui goûte bon, là? Ben, mets-y donc un bon goût de métal dessus. Mange ça avec ta fourchette. Ta voix, c'est bien meilleur. Et puis, lentement, ben, la petite larme, la petite quelque chose s'éteint. Là, il n'aime plus jouer, il n'aime plus se lever, il n'aime plus, puis il commence à chialer, puis ça devient plate. Puis là, il est sérieux. Le matin, il a des responsabilités. On peut avoir les mêmes responsabilités tout en aimant vivre, tout en jouant, tout en s'amusant. L'aide contrôle, c'est une solution intéressante, mais qui demande nécessairement une compréhension intelligente du mécanisme. Pas de croire ce que je dis, ça n'a rien à voir. Simplement d'observer que lorsque nous nous habillons en guenilles, nous allons faire des chums qui sont guenillous. Promenez-vous avec un sac en papier, avec un goulot qui dépasse, habillé avec deux souliers différents, dont un qui a un trou, une paire de culottes, ou trois paires de culottes, deux manteaux, un vieux chapeau. Puis allez-vous-en sur la rue Saint-Denis, près de l'hôpital Saint-Luc, puis essayez maintenant de vous lier d'amitié avec les passants. Puis vous allez voir ce que je veux dire. Faites ça pendant un an. Et couchez aussi en dessous des ponts. Après un an, vous ne pourrez pas vous en sortir. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu un être contrôle, inconsciemment. Parce que tout ce que vous êtes permet la réincarnation d'entités clochardes. Et lentement, vous allez connaître, vous allez manger les mêmes choses qu'eux autres, allez courir après les mêmes affaires. Puis il n'y aura plus de honte à quêter. Vous allez même vous vanter quand vous allez ramasser 50 ans. Tandis que la personne, elle prend sa bouteille, elle la laisse là, elle trouve un beau manteau, elle change tout son habillement, elle se lave si elle est capable. Et puis maintenant, elle va encore sur la rue Sainte-Catherine, dans le coin de l'hôpital Notre-Dame ou Saint-Luc. Et puis là, elle veut faire liaison avec des gens. Ce n'est plus les mêmes gens qui vont venir lui parler. Le phénomène qui attire vers nous les entités psychologiques ou amiques qui habitent les corps physiques, quand t'es clochard, t'attires les clochards. Quand t'es riche, t'attires les riches. Bien, ce phénomène-là endoformique, l'onde de forme, l'esthétique que l'on dégage, qui bouge l'âme dans les corps, bouge encore plus facilement l'âme sans corps, dans le monde de la mort. Et ces entités mémorielles n'ont qu'une seule fonction, se réincarner. Alors, ils vont pouvoir prendre un médium pour se réincarner dedans. Ils pourront aussi prendre un enfant qui a quelques problèmes lors de la naissance et en faire un autistique. C'est-à-dire qu'ils pourront se réincarner au fur et à mesure et passer dedans. L'enfant autistique, il est bien mal pris. Il sert simplement de canal transitoire. Il sert d'aéroport, lui. Ça se réincarne, ça redécolle. Ça se réincarne, ça redécolle. Ça se réincarne, ça redécolle. Ce qui fait que l'enfant, il est dans un monde tout à fait omnibulé. Il est dans son monde à lui, puis il ne peut pas embarquer dans d'autres choses. Il faut fermer le canal pour que l'enfant soit guéri. Lorsque l'être humain veut devenir un être contrôle, ça veut nécessairement dire qu'il doit premièrement comprendre l'intelligence de ce qu'il doit améliorer. Qu'est-ce que l'on veut changer? Il ne faut pas qu'on parte avec l'idée, ben moi j'aimerais être plus heureux. C'est quoi être heureux? Pour l'alcoolique, c'est avoir de la boisson. Hein? Pour le gars qui a besoin de sexe, c'est d'avoir un paquet de femmes. Pour la femme qui veut des enfants, c'est d'avoir les enfants parfaits qu'elle désire. C'est quoi être heureux? On ne peut pas poser ça comme question, parce que nécessairement on est poigné à être malheureux. On doit simplement comprendre quelle attitude chez nous on doit changer. Sommes-nous suffisamment simples? Sommes-nous suffisamment joyeux? Sommes-nous suffisamment plaisants? Aimons-nous bouger, vivre? Notre travail nous irrite. On a besoin de l'argent pour vivre. Pouvons-nous nous amuser en travaillant? Oui, mais les autres, ils vont dire quoi? Je répète que les autres, ça ne vous regarde pas et vous, vous ne regardez pas les autres. Si tout le monde est jaloux parce que vous avez un sourire, parce que sournoisement, il semble que vous avez gagné quelque chose, ben tant pis pour eux autres. Et puis, veut pas à la longue, ça devient contagieux. Mais le problème qu'il y a, c'est que souvent, c'est la mauvaise mine qui est contagieuse, rarement la bonne. Si on a la faculté de comprendre ce qui chez nous doit changer dans le but de s'améliorer, quand je parle de s'améliorer, je veux dire régler des problèmes qui vous habitent, qui vous manipulent. Régler des problèmes. Pas des problèmes d'argent. Ça viendra. Quand vous aurez chez vous suffisamment de phénomènes pour gérer de l'argent, vous aurez de l'argent géré. Mais pour cela, il faut nécessairement être suffisamment lucide chez soi pour se discerner suffisamment de son âme par rapport à son esprit. La semaine dernière, j'expliquais ce que l'être humain n'était pas. La personne qui s'ennuie chez elle, elle ne s'ennuie pas. Quand vous êtes seul chez vous et que vous trouvez la vie plate, c'est votre mémoire qui manque de stimulation. C'est votre âme qui trouve la vie plate. Mais si vous vous dites, si tu comptes trouver la vie plate, voilà, ça c'est le 5% d'intelligence. Lui, il ne trouve pas ça plate. Il trouve ça con, ce qui se passe. Parce que l'humain s'identifie à ce qui est con, plus souvent qu'autrement, nécessairement, il va avoir l'illusion, l'impression qu'il s'ennuie. Alors, la personne qui s'ennuie souvent, elle se prédispose à la réincarnation de mémoires de personnes qui s'ennuyaient. La personne qui veut se suicider, elle se prédispose à réincarner des mémoires de personnes suicidaires qui vont lui montrer comment réussir. La personne qui veut se lancer en affaires, elle doit s'enligner pour pouvoir permettre la réincarnation de personnes, de mémoires de personnes qui ont été en affaires. Et lentement, petit à petit, l'être humain devient un être contrôle, c'est-à-dire qu'il a la faculté, comprenant l'intelligence de ce qu'il veut changer chez lui. Je dis bien l'intelligence. On ne change pas quelque chose du point de vue de l'émotion. Et encore pire, quand on va arriver à la maison ce soir, on ne va pas voir fiston ou fille ou mari ou bonne femme pour lui dire, « Bon, ben là, toi, il faudrait que tu changes ça, là. » Je vais te dire comment. L'évolution des autres ne nous permettra pas d'évoluer. Le grand problème de ceux qui ont des clés, bien souvent, c'est qu'ils ne les appliquent pas. Et même ceux qui enseignent les clés, souvent se voient dépassés par leurs élèves. Trop occupés à enseigner, ils ont oublié d'appliquer. Et ça, faut pas que vous fassiez la même chose. On apprend, on parle, on juge, on critique, on dit « Tu vis comment ils sont manipulés? Yark! » Puis toi, tu es manipulé au bout, à perdre ton temps, regarde des autres qui sont manipulés. Mais toi, tu le sais pas. On doit faire quoi? L'évolution, lorsque l'âme doit faire une introspection, ça devient plate. Mais vous ne devez pas faire d'introspection dynamique. Vous ne devez pas faire d'introspection psychologique. Ça ne sert à rien que vous sachiez comment vous êtes. C'est pas comme ça qu'on va changer. Savoir comment on est, c'est simplement continuer à tisser le feu. C'est pas savoir comment on est, c'est savoir ce qu'on doit être. Et ce que vous devez être, vous le savez. Il y a un petit 5% d'intelligence qui rit souvent, le répète, essaie d'instruire l'ego, essaie d'instruire l'âme. Et lorsque la personne, elle va arriver quelque part, puis se mettre à sacrer parce qu'elle a manqué son autobus, eh bien, elle doit constater que là, elle est en train de vivre tellement pas sérieusement qu'elle est en train de brûler la vie à chioler. On ne pondra pas un autobus pour toi et il n'y a rien à faire. Il va falloir que tu attendes le prochain autobus. La personne, elle va dire, « Oui, mais si je me serais dépêché ou si tu ne m'auras pas niaisé comme ça, si tu ne m'auras pas fait perdre mon temps, l'autobus est passé. « Ouais, mais si j'aurais encore mon char, l'autobus est passé. » C'est simple. C'est très simple. L'autobus est passé. Ça, c'est question d'évolution. La première chose qui prouve que l'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, habite. Mais habite, ça habite déjà. Ça habite chez vous. C'est pas un problème pour ça. Mais qu'elle arrive à s'exprimer, à contrôler un peu plus votre système endocrinien qui va éliminer les cochonneries expressives de votre âme. Et l'âme, c'est quelque chose de mémoriel qui est bien plugué au monde de la mort, qui de temps en temps, lorsque le corps disparaît, retourne dans le monde de la mort, mijote un peu là-dedans, et puis ça revient quand un corps l'attire. Alors, lorsqu'on est frustré, c'est parce qu'on se prend au sérieux. Il aurait fallu que tout le monde attende après nous autres. Mais c'est ça l'évolution. C'est d'arriver devant l'autobus qui s'en va, puis de trouver qu'il fait beau, ou de trouver qu'il fait froid. C'est ça ça, l'évolution. L'évolution, c'est de demander à un patron une augmentation, puis de s'en aller en disant, « Bon, ben, il m'a baissé ma paye. » Puis là, la personne qui exprime réellement l'intelligence, en sortant, va faire un sourire, puis va dire, « Si je retourne pour lui demander une baisse, peut-être qu'il va m'augmenter. » Mais il sait que c'est pas vrai, puis il s'en va en rien. Mais lui, au moins, il vit. Peut-être qu'il changera d'emploi. Peut-être qu'il va repenser comment accrocher son boss. Peut-être qu'il va envoyer un gâteau à sa fête, à son boss. Avec un papier dedans, « Je suis un têteux. Voulez-vous m'augmenter? » Ou peut-être plus ajusté. Parce qu'il y a une morale ici qui dit que celui qui s'occupe de ses affaires, c'est un têteux. Il y a deux manières de s'occuper de ses affaires, mais d'aller voir le boss pendant une augmentation. Puis si le boss, tu l'invites à manger avant, bien vite le manger avant. Ou bien non, t'es pas têteux, t'es niaiseux. C'est un ou l'autre. Bon. L'évolution, c'est quoi l'évolution? C'est simplement être capable d'arriver quelque part et de se voir refuser la porte, puis s'en aller, simplement. Ça, tu dis, évolution, c'est quelqu'un qui est évolué. C'est pas une andouille. L'orgueil de l'âme, pourquoi? Ben vous devez souffrir. Alors la porte, elle est fermée, puis ça devrait être ouvert, puis là, tu vois la personne dedans à la banque, là, qui se promène, là. Puis là, tu bûches dedans, puis là, tu maudis la banque, tu retourneras plus là. Tu feras plus jamais confiance à un acteur. C'est l'acteur qui annonce les banques. Puis là, tu dis, au moins, moi, je me tiens debout. Ça dépend du point de vue, hein? Ça dépend bien gros du point de vue. Mais l'autre, elle se tient peut-être pas debout, elle est assise sur le banc, puis elle attend que la porte s'ouvre. Elle se tient assise. Alors, peut-être se tenir assis 30 ans plus longtemps que toi, tu vas pas te tenir debout. Parce que toi, tu seras mort. L'évoluer. Alors, devenir un être contrôle, c'est d'observer chaque fois qu'une manipulation illogique, inécologique pour nous, vient nous manipuler, vient nous omnibuler, vient nous empêcher d'être un être humain pour nous obliger à exprimer un animal humain. J'ai connu une petite souris qui avait dressé un humain. Elle avait dressé l'humain, et elle, chaque fois qu'elle pesait sur la petite palette, l'humain donnait du fromage. Puis l'humain, lui, était convaincu que c'est lui qui avait dressé la souris. Puis quand elle voulait du fromage, bien, il la dressait, elle pesait sa bebelle, puis il la donnait. Tout dépend du point de vue. C'est quoi être évolué? C'est être connu par autrui. C'est être capable, dans une discussion de salon, de soutenir longtemps quelque chose, une théorie, un concept. Ou c'est simplement être capable, dans une discussion de salon, d'apprendre à se taire lorsque ça ne sert à rien de parler, sans qu'il se passe rien en dedans. Lorsque c'est nécessaire d'agir, on agit. Lorsque ça ne sert à rien, on n'agit pas. Devenir un être contrôle, c'est nécessairement trouver les clés qui vont nous permettre de faire en sorte que va se réincarner chez nous ce que nous voulons qu'il se réincarne. Autrement dit, tu veux te lancer à la bourse, tu connais rien à la bourse. Or, tu t'organises pour aller à la bourse. S'organise pour voir comment les courtiers ou ceux qui travaillent dedans marchent, fonctionnent. Et là, chaque fois que tu rentres sur le parquet, tu rentres avec une démarche de la majorité. Ils sont tous nerveux, ils ont plein de papiers qui tirent partout. Tu t'amènes un pad de papier blanc, toutou. Puis là, quand ils tirent le papier, ils en tirent avec. Il n'y a personne qui sait qui t'es. Mais ils vont venir te parler. Puis de temps en temps, « Yeah! » Ah, là, ils vont venir te parler. Parce qu'ils perdent tout présentement. Ah, là, ils vont venir te parler. Puis là, toi, ben, t'es une personne qui en dit pas gros. Clint Eastwood de la bourse. Tu manges ton cigare pas allumé. T'es pas riche, tu l'économises. Puis tu fais juste attendre, tu jases avec les mecs. T'apprends des choses, t'apprends des babelles, t'as des petits Q qui rentrent. Puis lentement, surtout, tu permets à des mémoires réincarnationnelles d'entités qui comprennent la bourse de se réincarner. Et puis, à un moment donné, oh, je viens de comprendre. C'est ça. Puis, à un moment donné, j'ai le feeling que c'est ça. Et là, tu es un être contrôle. Tant qu'à être manipulé, soyons-le comme on le veut. Hein, au moins. Et être manipulé comme on veut être manipulé, ce n'est pas du libre-arbitre. C'est voter pour le moins pire. Mais on manipule le manipulateur. Et manipulant le manipulateur, qui est le monde de la mort, c'est pas une entité qui est là, qui est pion, puis qui joue avec le monde. C'est un phénomène mécanique. Mais tant qu'à être manipulé, soyons-le comme on veut. Et c'est quoi comme on veut, je répète? Si on veut, du point de vue de l'émotion, devenir un être contrôle, ça ne marchera pas. Si on a une raison intelligente, si on voit l'intelligence d'inclure quelque chose, si on est capable de ne pas avoir d'émotion lorsqu'on va jouer le rôle, ça demande un petit contrôle. C'est-à-dire, ça demande simplement de l'abnégation de l'âme. Ça demande à ce que votre intelligence soit présente dans le jeu. C'est ça que ça demande. Vous ne pouvez pas acheter des livres de personnes qui ont gagné à Las Vegas, qui ont gagné soit à la roulette, qui ont gagné au blackjack, à ces choses-là. Puis qu'est-ce qui est écrit dedans? Bien, le gars, il va une table, puis le gars, il joue pour battre l'autre. Le gars qui donne les cartes au blackjack. Il joue pas pour faire de l'argent. L'émotion embarque là-dedans. Il joue pour battre l'autre, puis animativement. Le gars, il dit pas animativement, il explique pas tous les mêmes mots que moi, mais il explique comme il peut l'expliquer avec le langage conventionnel. Il sait pas trop ce qui se passe, mais il sait comment ça marche. Et là, il va savoir que quand il file mal une table, il change de table. Puis là, il attend, puis il attend. Puis il envoie une, il va, puis il commence à y aller, puis il gagne. Une personne qui maintenant veut gagner, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle apprend qu'il y en a qui gagnent. Alors, elle va s'écraser une table, puis elle veut gagner. Elle fait tout ce que l'autre ne fait pas. Nécessairement, elle va ramasser quoi? Elle va ramasser les mémoires de ceux qui perdent. De ceux qui jouent émotivement, on appelle ça des gamblers en canadien. Et c'est une maladie dangereuse, comme l'alcoolisme. Devenir un être contrôle, cela veut premièrement dire que nous devons être capables de décoder ce qui, chez nous, règle les choses par l'intelligence. Pas par l'émotion. L'émotion, c'est dangereux. De temps en temps, l'humain va dire « Oui, mais ça m'a permis de me rapprocher de telle personne. » Oui, oui, OK. Quand on décide qu'on veut exprimer d'émotion, on l'exprime. Mais le problème, bien souvent, l'homme qui est si émotif, lorsque c'est le temps d'exprimer, il n'est pas capable. Alors finalement, ça sert à quoi de vouloir se badrer, de dire « Oui, mais il faut quand même rester humain. » Crème, quand il faut que tu le sois, tu n'es pas capable, puis quand il ne faut pas que tu le sois, c'est là que tu l'es. Quand il faut que tu dises à quelqu'un que tu l'aimes puis tu as un petit problème avec, tu n'es pas capable, puis quand il faut que tu sois libre devant ton boss, c'est là que tu es plein d'émotions. Bon, alors c'est quoi? Être humain, c'est une chose. Mais être humain, on a le choix entre l'animal humain, qui est manipulé par les outils, ou l'être humain, qui se sert des outils. On peut exprimer de l'émotion, quand c'est intelligent d'en exprimer. Puis il n'y en a pas qui sort quand ce n'est pas utile que ça sorte. Devenir un être contrôle veut nécessairement dire que l'on comprend l'intelligence de ce que l'on veut changer. Et on ne peut pas vouloir changer une chose parce que c'est à la mode. On ne peut pas vouloir changer une chose parce que les autres le font. Ou parce que, qu'est-ce que vont dire les autres? L'être contrôle qui s'occupe d'une masse de gens s'arrange pour créer un collectivisme de conscience qui nécessairement oblige toute la masse à travailler contre l'individu. Alors, si on veut devenir un être contrôle, on doit contrôler le manipulateur, et nécessairement, on ne peut pas le contrôler sur son propre terrain, c'est-à-dire en étant carrément assujetti à autrui. Moi, je veux que se réincarne chez moi quelqu'un qui est heureux, mais comme tout le monde braille tout le temps, bien, ils m'attendent qu'eux autres aussi, ils se décident. Mais l'évolution spirituelle des masses, elle prend des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et si un jour, vous êtes la seule personne heureuse à Montréal, mais ça va changer quoi? Pour vous, tout. Pour les autres, rien. Alors, puis si vous restez malheureuse, ça ne va rien changer pour les autres. Puis ça ne va rien changer pour vous autres. Alors, autant s'en sortir. Individuellement. La porte du ciel, elle est grosse de même. On ne peut pas rentrer là-dedans à 5 milliards. Fait qu'il faut rentrer un par un. Fait qu'attendez pas que la gang embarque avec vous autres, ça va se pousser à un moment donné. Vous pouvez être sûr, ça va se pousser à un moment donné. Devenir un être contrôle, c'est comprendre la mécanique de ce que l'on doit changer. Alors, je clarifie un petit peu. Jacques, il perd le goût de sa job. Il ne sait plus s'il aime sa femme. Il ne sait plus s'il haït. Il ne sait plus rien. C'est Pierre, ben c'est Pierre. Pierre. Jacques s'est suicidé pour d'autres choses, effectivement. Pierre. Oh, Pierre, il ne sait plus rien. Puis à un moment donné, Pierre, il vient à une conférence comme ici ce soir. Puis il est venu, ben, pff, parce qu'il n'y avait rien à faire, puis il n'y a pas de femme à tirer. Hein, que Pierre, il est venu. Bon. Et puis là, ben, Pierre, il apprend que peut-être qu'il risque fortement, Pierre, en tout cas, de lui arriver qu'à un moment donné, il va, ah! Ce ne sera pas lui, il va décider. Alors, qu'est-ce qu'il faut, Pierre? Tu as vécu combien d'années avec ta femme? 5 ans, 6 ans, 10 ans? Es-tu mieux qu'un autre? C'est pas. Un typique, un autre? C'est pas. Parfait. Ben correct. Pas pire, pas mieux, si ça vous permet de courir. C'est rien problème. T'as besoin d'argent pour conserver la vie de ton corps physique? Ouais, mais j'ai pas pourquoi conserver la vie de mon corps physique. Et lentement, eh bien, si Pierre comprend que s'il induit, Pierre, t'aimerais-tu ça retrouver le goût à la vie? Ah! Pierre va dire, oui, mais ça va servir à quoi? T'aimerais-tu ça plus être capable de dire? Ça va servir à quoi? Puis là, juste, t'es, de prendre le goût. Oui. Parfait. Et puis là, maintenant, si Pierre comprend juste des petites choses et qu'il change des attitudes chez lui, il va falloir que Pierre, il cesse de marcher comme ça dans la maison. Parce que quand il marche comme ça, il réincarne pas les bonnes choses. Puis plus ça va, plus ça empire. Et plus ça empire, plus ça réincarne ce qu'il faut pas dans le but de Pierre. Et lentement, Pierre va finir par changer radicalement, mais ce ne sera pas lui qui va avoir rien décidé. Quand on comprend, l'attitude, c'est quoi? C'est l'onde de forme. J'ai déjà fait une conférence sur attention aux ondes de forme. C'est ça, le phénomène. Le fait qu'une personne change radicalement d'attitude, pas juste de vêtement. Le vêtement est une petite chose. Quand on a... Prenez l'exemple d'une personne qui met pour la première fois un veston, une cravate, etc., puis qui regarde dans le miroir, puis il se voit comme un clown. Avant de changer le veston, il faut qu'il change son attitude. Parce qu'il faut absolument qu'il n'ait pas l'air déguisé. Parce que la personne qui va le rencontrer va avoir l'impression de serrer la main à un enfant déguisé qui se prend pour un autre. Ça transparaît. Faut qu'elle change son attitude. Je suis trop chiant. Combien de temps de votre vie... Si on ferait une addition intéressante, j'ai chiolé tant de minutes aujourd'hui, j'ai braillé tant de minutes, j'ai sacré tant de minutes, j'étais insatisfait tant de minutes, irrité tant de minutes, en tout cas, tu sais, si on additionne tout le kit au complet, on va se rendre compte que sur 50 ans de notre vie, on en a peut-être passé 35 à niaiser. Puis ça, c'est parce que sur les autres, on a oublié qu'on avait niaisé peut-être. Il y a une grande partie de notre temps que l'on passe à s'ennuyer, à ne pas être capable de dormir, à lutter contre ceci, contre cela, à espérer une chose, à refuser une bobite, à pas être capable de parler, à trop en dire, à rechercher de l'affection pour pas l'avoir, à vouloir en donner, puis personne n'en veut. Combien de temps on peut accumuler de choses que l'on fait qui n'aboutissent nulle part ou qui nous amènent des problèmes, de la souffrance, entre autres? Si on additionne ces choses-là, on va découvrir qu'il y a bien du temps de notre vie qu'on perd. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. La vie, c'est autre chose qu'un déplacement de l'âge 9 mois, elle est à l'âge terminal. C'est pas ça, la vie. Dans la majorité des cas, c'est cela. Pourquoi? Parce que lorsque l'être humain a suffisamment accumulé de mémoire, lorsque l'être humain ne veut plus vivre de neuf, il a plein de traditions, plein d'expériences, plein de mémoire, il devient une personne âgée, eh bien, on l'élimine de la surface de la planète. Elle n'a plus de fonction. Elle ne nourrit plus de neuf le monde de la mort. Elle n'engendre plus d'expériences neuves. Et nécessairement, le processus biologique l'élimine. À partir, elle a 30 ans. Hey, ça paraît pas. Elle a 40 ans. Hey, ça paraît pas. Elle a 50 ans. Hey, ça paraît pas. Elle a 52 ans. Hey, ça paraît. En 2 ans. Parce que il y a du neuf, du neuf, du neuf, mais lentement, c'est enterré par l'expérience, par la mémoire, par le vieux. Puis finalement, pouf, en quelques années, ah, là, elle gagne son âge. Puis il y en a qui sont encore meilleurs que ça. En quelques années, ils dépassent leurs âges. La vie, c'est autre chose. Parce que l'humain ne comprend pas la finalité ou l'utilité ou l'intelligence de sa présence dans le plan planétaire ou dans la création, l'humain limite énormément l'effort qu'il peut appliquer à la gestion de son évolution. Et quand je parle d'évolution, je parle en réalité d'involution. Vous devez, en tant que corps, supporter de l'esprit, pas de l'âme, de l'esprit. L'esprit, c'est un terme très, très religieux, mais qui est un synonyme d'intelligence, d'intentionnalité, être intentionnel, pas juste être réactionnel. Mais entre les deux, il y a l'âme. Pourquoi? Parce que l'esprit, lorsque ça touche le corps, il n'y en a plus. Essayez d'embarquer des bombes nucléaires pour voir que c'est comment que ça fait quand ça saute, vous ne serez pas là pour le voir. Alors, il y a un facteur palliatif, un médium, l'âme. L'âme s'est constituée des deux vies, d'énergie vitale, ça habite le système atomique de notre corps physique et ça accumule de la mémoire. Accumulant de la mémoire, ça se rappelle les petits contacts avec l'intelligence et ça ramasse le reste. Mais en même temps, c'est ça qui est le contrôle du corps physique et lorsque l'intelligence vous oblige à perdre la job, à gagner la loterie, à te divorcer, à avoir un enfant comme tu voulais, à perdre l'enfant que tu as eu, lorsque l'intelligence manipule toute la gestion des êtres contrôle de façon à ce qui se passe ces cassins-là, mais au niveau de l'âme, vous mutez vos corps physiques. Il y a beaucoup d'humains qui ont déjà dit que plus on souffrait, plus on évoluait. Ah ouais, mais plus tu souffres, plus l'âme pisse de l'hormone. Et ça crée, il y a des sécrétions énergétiques vitales, et il y a des mutations corporelles, puis lentement, il y a un petit doigt de plus d'intelligence qui rentre, puis tu as l'impression que tu viens d'atteindre Dieu. Puis là, ben, la souffrance, après 15 ans de souffrance, ben, le mutant. Toutes les personnes béatifiées, dans la majorité des cas, sont des êtres qui ont souffert énormément. Mais ça, c'est une évolution que je permets à l'animal humain, mais que je trouve tout à fait stupide pour l'être humain. Ce n'est pas nécessaire de souffrir pour comprendre. Ce n'est pas nécessaire de souffrir pour évoluer. Par contre, si on est inconscient, on va appeler l'évolution souffrance. Devenir un être contrôle, c'est justement être capable de contourner cette mécanicité qui s'adresse à l'animal pour travailler en tant qu'être humain. Alors, quelle forme j'ai? Qu'est-ce que je dois changer? Quelle est la merde? Quand est-ce que je perds mon temps? Quand est-ce que je perds mon corps? Que je niaise. Niaiser, c'est chialer. Enfin, il y a toute une panoplie de bebelles où on est continuellement confronté à s'occuper. Ben, ça, on doit le changer. Et comment on doit le changer? S'arranger pour que dans notre conscience lucide, la petite partie d'esprit qui nous habite, on voit clairement l'intelligence d'être en forme. Et là, on va commencer à vouloir le faire. Et on doit aussi, au niveau du sommeil, de toute façon, la semaine prochaine, c'est de dormir d'une autre façon, on va parler continuité. On va parler de comment se servir du pré-sommeil pour vivre des choses de façon à ne pas avoir à les vivre avec le corps physique. Un exemple. Qu'est-ce qu'une personne ferait si elle verrait son bras, si elle perdrait le bras? Eh bien, si elle est capable de transformer ça dans son rêve pour finir par le vivre réellement, quand elle va être capable de l'accepter, l'être contrôle ne lui fera jamais...